사귀고 Les Vraiment checké yo par les respectus Est-ce que t'es resté les des bras croisés Contempler ça ou pas t'es gâté Gâté Yo qu'a fait la guerre pour briser l'homme Mais j'en ai accepté la vérité Mais contenait Bon Dieu, peut pas laisser y'a faire Bon Dieu, peut pas laisser y'a faire Qui j'en y'a que faire pour aimer Qui j'en y'a que faire pour la paix Que les mystères de la terre partent un jour De la fin au fin destin Tu devras respecter ton histoire Moi Sorti vivant l'expérience passionnante T'es en train de délivrer ton insouciance Moi fait au rêve Peut pas laisser y faire. Bon Dieu, peut pas laisser y faire. Qui j'en y a que faire pour aimer? Qui j'en y a que faire pour aimer? Qui j'en y a que faire pour la paix? Bon Dieu, peut pas laisser y faire. Bon Dieu, peut pas laisser y faire.